إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، حياكم الله أيها الأحباء. Je suis très heureux de vous retrouver dans le cadre de ce séminaire qui est organisé par nos frères du centre Al-Furqan à Bruxelles. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de les récompenser pour leurs efforts dans le cadre de la da'wah et la propagation du bien. Donc ce séminaire qui a été intitulé « Préparer le mois de Ramadan ». Et ça, c'est quelque chose de très important, car les choses importantes, ça se prépare en amont. Les choses importantes nécessitent une préparation préalable, nécessitent une préparation préalable. Et ça, c'est dans toutes les affaires importantes, que ce soit des affaires de dunya ou des affaires de la religion. D'où l'importance de l'organisation de ce genre de séminaire. Donc dans cette soirée du vendredi 22 Chaban 1443 de l'Hégire, correspondant au 25 mars 2022, seulement quelques jours qui nous séparent du mois béni, le mois de Ramadan. Le meilleur mois de l'année, le mois dans lequel a été envoyé le prophète alayhi salatu wassalam, et le mois dans lequel a été révélée la parole d'Allah, Al-Qur'an Al-Karim. C'est sans aucun doute le meilleur mois de l'année d'une manière unanime entre les hommes de science. Et avant d'entamer le sujet qui m'a été confié, je tiens à attirer l'attention de nos frères et sœurs et à tous les musulmans d'une manière générale d'un problème que nous rencontrons à chaque arrivée du mois de Ramadan. Tous en est déterminés et avec une grande volonté à exploiter ce mois au maximum. Quand on entend ses mérites et ses vertus, tous on est animés de cette grande envie de l'exploiter au maximum. Mais beaucoup d'entre nous n'y parvient pas, ne serait-ce que comme ils souhaiteraient l'exploiter. Ils sont touchés par des faiblesses, par une paresse, par des négligences. Et chaque Ramadan à venir, c'est toujours le même problème. Et la raison de cet handicap par lequel on peut être touché dans ce mois, malgré qu'on a cette envie, c'est qu'on le prépare pas. C'est pas quand Ramadan y commence, que tu vas commencer à lire 5 juz par jour, ou 10 juz par jour, ou la moitié du Coran, ou ce que tu lis, ce que tu entends parmi ce qui est rapporté de Salaf. Ramadan, comme chaque chose importante, ça se prépare. C'est pour ça que tu vas trouver que celui qui lit dans l'année un juz pendant le mois de Ramadan, il va arriver à lire 2, 3, 4, 5. Et celui qui lisait habituellement deux juz, tu vas trouver qu'il va pouvoir lire jusqu'à 10. Un peu plus, un peu moins. Mais c'est pas possible que quelqu'un qui vient et qui n'a pas touché le Coran toute l'année et il veut finir le Coran en quelques jours pendant le mois de Ramadan. Ces objectifs-là, ça se prépare. Et le serviteur, il doit pas être touché par un désespoir quand il voit qu'il n'arrive pas à atteindre son objectif. Et chaque année, car il y a cette lacune. Il y a cette lacune durant l'année à laquelle il faut y remédier afin qu'Allah te facilite davantage de bien pendant le mois béni de Ramadan. Voilà. Comme vous savez tous, l'islam, c'est la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'islam, c'est la religion de vérité. Et la seule religion acceptée par Allah subhanahu wa ta'ala, après l'envoi de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est la religion de l'islam avec laquelle il a été envoyé. Et son message a abrogé tous les messages précédents. Et l'islam est composé de croyances et d'actes et de paroles. Donc la foi englobe toutes ces choses-là. La foi englobe des croyances, des actes et des paroles. Et la croyance, car le sujet de cette conférence était la croyance authentique à travers la prescription de Siyam, à travers la prescription du Siyam, Siyam le jeûne. Donc, on va essayer de comprendre brièvement ce que c'est cette croyance authentique. La croyance authentique, c'est la croyance avec laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé tous ses messagers et prophètes et avec laquelle il a révélé ses livres. Donc cette croyance, elle est unique. Elle ne change pas avec le changement du temps ou du lieu. C'est une croyance fixe. Et cette croyance authentique, dans cette croyance authentique, il n'y a pas eu de divergence entre les gens de la vérité, entre Ahl-Sunnah wal-Jama'a, ne serait-ce que dans une seule mas'ala, ne serait-ce que dans un seul point. Les gens de la Sunna sont unanimement d'accord sur toute la croyance de islamique. C'est ce qu'on appelle la croyance authentique, qui est conforme au livre d'Allah et à l'authentique de la sunna de son noble prophète avec la compréhension des pieux prédécesseurs. Et la divergence qu'il y a eu dans le domaine du dogme et de la croyance, c'est entre les gens de la vérité et les gens de l'égarement. Entre les gens de la sunna et les gens de l'innovation et de l'hérésie. Ça, c'est un point extrêmement important. C'est qu'il n'y a pas eu de divergence dans l'aqida. Et tout ce qu'ils peuvent citer comme dalil, comme argument sur cette divergence, en réalité, c'est pas des divergences sur le point de l'aqida lui-même, mais sur un point qui est dépendant de l'aqida. Mais dans l'aqida, dans la croyance, dans le dogme, il n'y a pas de divergence. Si vous prenez l'exemple de la vision d'Allah subhanahu wa ta'ala, Ahl-Sunnah wal-Jama'a sont unanimement d'accord pour dire que les croyants verront leur Seigneur dans le paradis. Les croyants verront leur Seigneur dans l'au-delà. Et ils peuvent diverger sur des points qui sont qui sont basés sur cette aqida. Sur l'aqida, il n'y a pas de divergence entre Ahl-Sunnah wal-Jama'a. Si ceux qui renient la vision d'Allah subhanahu wa ta'ala ou qui falsifie son sens, c'est des égarés. Le sunna ou le jama'a croit qu'on verra Allah réellement comme il convient à sa grandeur et sa majesté avec ce qu'il nous permettra dans l'au-delà. Après, ils peuvent diverger sur des points qui sont dépendants de cette base. Comme, est-ce que le prophète alayhi salatu wasalam a vu Allah dans la nuit de l'ascension ou pas? Et même dans ces points-là, dans beaucoup d'entre eux, vous allez trouver qu'il n'y a pas de divergence. Chez al-muhaqqiqin, parmi les hommes de science. Comme cet exemple-là. Et la réalité, c'est que les compagnons n'ont pas divergé. Ils ont tous le même avis, c'est que le prophète alayhi salam n'a pas vu Allah avec ses yeux. Mais c'est une vision scientifique, une vision avec le cœur, une vision de ses attributs sublimes. Et non pas une vision avec les yeux. Mais peu importe, même si on admet qu'il y a une divergence dans ce genre de points, c'est pas une divergence dans l'aqida. Car tous ils sont d'accord qu'on verra Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est ça l'aqida authentique. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans son noble livre, le Qur'an al-Karim, il a dit « Shara'a lakum min ad-din ma wassa bihi Nuhan, wal-ladhi awhayna ilayk, wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa, an aqimu ad-din wa la tatafarraqu fihi. » Dans le sens approximatif, il a prescrit pour vous dans la religion ce qu'il a prescrit à Nuh et ce que nous t'avons révélé et ce que nous avons prescrit aussi à Ibrahim et Moussa et Isa. Établissez la religion et n'en faites pas un sujet de division. Donc cette aqida, c'est la même qui a été révélée à tous les prophètes, comme Allah subhanahu wa ta'ala nous le dit dans ce verset. L'aqida, dans son sens linguistique, elle est tirée de l'aqd. De l'aqd, c'est le fait de faire un nœud, de nouer une chose. De la serrer fortement, de la fortifier. C'est tiré de l'assurance. Quelque chose qui est compact, la compacité d'une chose et le raffermissement. Donc tout ça, c'est des sens dans l'aqd. Et l'inverse de l'aqd, c'est al-hal. Défaire une chose, dénouer, desserrer. Donc l'aqd, linguistiquement, c'est ça. C'est pour ça nous disons al-iqd. On appelle un collier un iqd. Parce qu'il y a un lien qui relie toutes ces parties. Et nous appelons le contrat de vente, le contrat de mariage, aqd, aqdul bay et aqdul nikah. Car il y a ces sens-là dans ce contrat. Un engagement, un nœud entre l'époux et l'épouse, entre l'acheteur et le vendeur, et ainsi de suite. Dans son sens général, l'aqida, ça se dit de toutes les choses auxquelles doit croire le croyant et croire en leur véracité d'une manière à ce que son âme soit apaisée à toutes ses croyances. Donc, c'est une foi ferme qui n'est pas mêlée à quelconque doute. Donc là, l'aqida dans son sens général, ça se dit de la foi ferme. La foi dans laquelle il n'y a aucune forme de doute. Et quand on parle de l'aqida islamia, le dogme islamique, nous parlons de la foi en Allah, la foi ferme en Allah subhanahu wa ta'ala, et la foi en tout ce que implique la foi en son unicité. Que ce soit son unicité dans la divinité ou l'adoration, son unicité dans la souveraineté, son unicité dans ses noms et ses attributs, et aussi avoir la foi ferme ont tout ce qui en découle de cette foi-là, la foi en Allah subhanahu wa ta'ala, notamment la foi aux anges, aux livres qui ont été révélés à tous les prophètes et messagers, et aussi la foi en tous les prophètes et messagers d'Allah subhanahu wa ta'ala, et la foi au jour dernier, et également la foi au destin d'Allah, sa prédestinée. Le destin bon ou mauvais. Bon et mauvais, afin. Bon et mauvais. Yani, quand on dit bon et mauvais, c'est pas une description de l'acte d'Allah. C'est une description de ce qui est prédestiné. Car, comme vous savez, le bien, le mal, afwan, ne se trouve pas dans les actes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ce que Allah fait est un bien. Mais Allah, il peut prédestiner une chose dans laquelle il y a un mal, comme le mécréant. Mais il le prédestine pour un autre bien. Et ça, ces sens-là sont détaillés quand on a parlé des piliers de la foi précédemment. Ici, il s'agit de donner des indications. Donc ça, c'est le sixième pilier de la foi. Et aussi avoir la foi en tous les versets du livre d'Allah et en tous les hadiths de notre prophète, alayhi salatu wassalam, authentiques, dans lesquels sont abordés des fondements de la religion ou des questions qui font partie de l'inconnaissable, de l'invisible. Donc ça, c'est la foi, c'est la croyance islamique. L'importance de cette croyance, elle est sans aucun doute connue pour vous tous. C'est la croyance avec laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé tous ses prophètes et messagers. Et pour cette croyance, Allah subhanahu wa ta'ala a créé les djinns et les hommes. Donc c'est l'objectif premier de la création des djinns et des hommes. L'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala seul, et cette adoration, comme nous allons le comprendre à travers le jeûne, elle est basée sur une croyance, qui est la croyance authentique. Et Allah subhanahu wa ta'ala n'accepte de toi aucun acte jusqu'à concrétiser cette croyance authentique. Sans la croyance authentique, aucun acte n'est accepté du serviteur. Et aussi, il n'y a pas de sauvé espéré pour le serviteur qu'avec cette croyance authentique. Et c'est cette croyance authentique qui détermine la relation entre Allah subhanahu wa ta'ala et ses créatures. Également, parmi les points qui nous montrent l'importance de cette croyance authentique, c'est que c'est cette croyance-là qui est la base du bonheur dans ce bas monde. Et il n'y a pas de sérénité, ni de tranquillité, ni d'apaisement espéré pour le serviteur qu'avec la mise en pratique de cette croyance authentique. Et c'est la cause du triomphe et de la réussite et du succès pour les serviteurs dans les deux demeures, dans ce bas monde et dans l'au-delà. Également, cette croyance authentique représente une protection pour le musulman, pour celui qui est soumis à Allah et qui adhère à cette croyance authentique. Ça représente une protection pour lui de toutes les idéologies déviantes et de toutes les croyances égarées qui peuvent être propagées dans son environnement. D'où son importance. Le lien entre la croyance et l'adoration est une chose évidente. Car il n'y a pas de croyance sans adoration. Comme il n'y a pas d'adoration sans croyance. Comme il n'y a pas d'adoration valable et comptée auprès d'Allah sans la croyance. Et la liaison qu'il y a entre l'adoration et la croyance, c'est comme la liaison entre l'âme et le corps. Il n'y a pas de corps sans âme, comme il n'y a pas d'âme sans corps. Le corps sans l'âme, ça devient un cadavre inerte. Donc c'est une cohésion parfaite entre les deux, la croyance et l'adoration. Et celui qui médite les textes, que ce soit dans le livre d'Allah ou la sunna authentique du prophète, alayhi salatu wassalam, il peut trouver énormément de points de la croyance authentique à travers cette prescription, la prescription du jeûne. Ici, il n'est pas question de citer tous ces points-là, car c'est pas possible de parler d'une adoration sans parler de l'aqida. Comme il n'est pas possible de parler de l'aqida sans parler des adorations. Mais ici, il s'agit de mentionner quelques exemples selon le temps qui nous a été accordé. Et dès que yani, le temps s'écoule, on s'arrêtera bi'idnillah. En essayant de commencer par le plus important. Et sans aucun doute, le plus important de notre aqida, c'est at-tawhid. At-tawhid, l'unicité d'Allah, qui est un synonyme de la sincérité. Parmi les sens de la sincérité, al-ikhlas, c'est at-tawhid. Vouer un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce sens-là est manifeste dans les textes de Siyam. Les textes du Siyam, que ce soit dans le livre d'Allah ou la sunna authentique du prophète alayhi salatu wassalam. Et Siyam est une adoration qui permet au serviteur d'augmenter sa sincérité. D'augmenter sa sincérité, car le jeûne est un acte caché entre le serviteur et son seigneur. C'est pour cela, c'est une éducation du croyant à adorer Allah seul, même si on craint personne et même si on espère rien de personne. L'adorer pour l'adorer. Et la prescription du jeûne, ça permet de nourrir ce sens-là chez le croyant. Car il peut très bien faire semblant de jeûner, et quand il est seul, il peut très bien manger, personne ne le voit. Mais qu'est-ce qui pousse le croyant à s'abstenir de toutes les choses qui sont interdites pendant la durée du jeûne, du lever de l'aube jusqu'au coucher du soleil? Qu'est-ce qui le pousse à s'abstenir de toutes ces choses-là, même quand il est seul? Ça, c'est la sincérité. Et c'est pour ce sens-là qu'il a été rapporté un hadith divin, hadith qudsi, dans lequel le prophète alayhi salam nous dit que Allah subhanahu wa ta'ala a dit « Kullu amal ibn Adam lah » dans une riwaya « Yudha'ifu al-hasanata bi'ashri amthaliha ila sab'i mi'ati di'af » Toutes les actes du fils de Adam sont comptés pour lui. C'est-à-dire leur récompense est déterminée. Comme cela est expliqué dans l'autre version, Allah lui multiplie la récompense par 10 jusqu'à 700 dans tous ses actes, excepté le jeûne. Illa siyam, fa innahu li wa ana ajzi bih. Excepté le jeûne. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui se charge de sa rétribution. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui se charge de sa rétribution. Et cela veut dire, comme les savants l'ont expliqué, la signification de ce hadith, comme l'a dit Hafidh ibn Hajar dans le Fath, et la plupart des savants disent le même sens, c'est que la signification de cela, c'est que la récompense du jeûne est immense et elle n'est pas déterminée comme les récompenses des autres adorations où les anges y connaissent ce que Allah subhanahu wa ta'ala leur a enseigné par rapport à leur récompense. Le jeûne, c'est Allah qui rétribue le jeûneur lui-même. Et ça, ça te montre l'immensité de la récompense du jeûne. Ensuite, Nabi alayhi sallam a dit, wassiyam jannah. Le jeûne est une protection. Et il a expliqué, wa idha kana yawm sawm ahadikum fala yarfuth wa la yaskhab fa in sabbahu ahadun aw qatalah falyaqul inni imru'un sa'im walladhi nafsu muhammadin bi yadihi. Donc le jeûne, c'est une protection pour le serviteur. Quand tu jeûnes, cela représente une protection pour toi contre les péchés et contre les mauvais comportements, car le jeûne, c'est une éducation pour l'âme et pour le croyant d'une manière générale. Tu t'habitues à t'abstenir par obéissance à Allah de choses qu'il t'a autorisées en dehors de Ramadan. Tu t'habitues, même si on t'insulte, même si on cherche à te combattre, tu vas te retenir et tu vas patienter et tu vas dire, je suis un homme en état de jeûne. Et tu ne vas pas tomber dans la même chose que ton adversaire. Ensuite, Nabi alayhi sallam a juré par celui qui tient son âme dans sa main. Il a juré par Allah subhanahu wa ta'ala pour te montrer. Car ce qui va suivre, c'est quelque chose qui peut étonner. C'est pas quelque chose qui est habituel chez nous, mais c'est une vérité. وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ. Allahu Akbar. Cette odeur qui sort de la bouche du jeûneur est plus le jour avance, plus la période du jeûne augmente, plus tu te rapproches du coucher du soleil, plus cette odeur devient forte. Cette odeur pour nous qui est une mauvaise odeur, cette odeur pour Allah subhanahu wa ta'ala est meilleure que l'odeur du misk. Allahu Akbar. Ensuite, Nabi alayhi sallallahu alayhi wa sallam a dit, لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ يَفْرَحُهُمَا إِذَا أَفْطَرَ فَرِحْ وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ فَرِحَ بِصَوْمِهِ. رواه البخاري ومسلم. Donc ça a été rapporté par le Bukhari et Muslim. Ensuite, Nabi alayhi sallam a dit, le jeûneur a deux joies. La première, c'est quand il rampe son jeûne, il se réjouit pour avoir terminé son jeûne et pour ne pas avoir tombé dans quelque chose qui annule le jeûne ou qui diminue sa récompense. Il se réjouit pour cela. Et aussi, la deuxième joie, c'est quand il rencontre son Seigneur, tellement il trouve la récompense immense d'Allah subhanahu wa ta'ala pour ce jeûne, il se réjouit à ce moment-là. Donc, at-tawhid est manifeste dans le jeûne. La sincérité est évidente dans cette adoration qui est l'adoration du jeûne. Comme on l'a vu, car tu peux très bien montrer que tu jeûnes alors que tu jeûnes pas. Et manger en cachette. Mais qu'est-ce qui pousse le croyant à patienter et à supporter les difficultés du jeûne? C'est la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala, son espoir de la satisfaction et de l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala par obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Aussi, à travers cette prescription de Siyam, nous constatons le lien étroit entre Siyam et Dua. Entre Siyam et Dua. C'est pour ça, dans les versets de Siyam, dans Surat al-Baqarah, Allah subhanahu wa ta'ala, après ces versets-là, il a dit, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, dis-leur que je suis proche. Je réponds à l'appel de celui qui implore quand il m'implore. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque quand il m'invoque. Allahu Akbar. Allah subhanahu wa ta'ala est proche du jeûneur, est proche de celui qui l'invoque, est proche de celui qui l'adore. Et cette proximité, cette proximité d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une proximité réelle, comme il correspond à la grandeur et la majesté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme tous les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que Allah Azza wa Jalla dit, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. Allah est proche de son serviteur qui lui obéit et qui jeûne pour lui. Et il exauce ses invocations. Et الدعاء, sa place dans l'islam est immense. C'est comme le Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam a dit, الدعاء هو العبادة. L'invocation, c'est l'adoration. L'invocation, c'est l'adoration. C'est l'adoration la plus aimée par Allah subhanahu wa ta'ala. Car c'est du tawhid. Ad-du'a, c'est du tawhid. T'invoques Allah seul et t'invoques personne en dehors de lui. C'est ça le muwahhid. C'est celui quand il est dans la détresse, quand il est dans les difficultés, quand il est dans les épreuves, il ne s'adresse à personne qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Et le lien entre du'a et le jeûne a été cité dans plusieurs textes. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit, trois personnes dont l'invocation est exaucée. Le premier, le jeûneur, jusqu'à rompre son jeûne. Le gouverneur juste et l'opprimé quand il invoque Allah. Ce hadith a été authentifié par l'Allama al-Albani, rahimahullah. Donc le jeûneur, toutes ses invocations sont exaucées jusqu'à la rupture de son jeûne. Et c'est ça la version qui est authentique. Il y a une autre version qui a été jugée faible par Cheikh al-Albani. Le jeûneur, au moment où il rompt son jeûne. Certains savants l'ont jugé hassan. Cheikh al-Albani l'a jugé faible. Mais ce qui est sûr, c'est que toutes les invocations sont exaucées du jeûneur, jusqu'à rompre son jeûne. Et la version qui est faible, elle limite l'invocation au moment de la rupture. Et le jeûneur, cet exaucement, il peut être compris. Car le jeûneur est dans une obéissance dans laquelle il y a de la sincérité. Le jeûneur est proche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car le jeûne, ça donne plus d'humilité au serviteur. Et sa faiblesse aussi. Sa faiblesse physique. Sa faim, sa soif, tout ça rend ad-du'a plus favorable à l'exaucement. Donc Allah subhanahu wa ta'ala est proche du jeûneur et cette proximité, c'est une proximité de soutien et d'assistance et d'aide. Allah, il l'aide, il le soutient, il lui accorde son assistance, il lui accorde la victoire contre ses ennemis et le triomphe contre ses ennemis. Également dans le jeûne, toujours dans le domaine de la croyance authentique, nous trouvons l'affirmation de plusieurs attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala à travers les textes du jeûne, notamment l'attribut de l'élévation d'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus de toutes ses créatures, établi sur son trône. Subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus de toutes ses créatures. Et cette élévation est une élévation de par son essence. C'est un attribut de l'essence d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça Allah subhanahu wa ta'ala est décrit tout le temps par cette élévation. Il est toujours décrit par l'élévation. L'élévation dans tous les sens du terme. Une élévation par l'essence, il est au-dessus de son trône. Une élévation dans son estime. Et une élévation dans sa domination de toutes ses créatures. Donc tous les sens de l'élévation sont valables ici. Et cela peut être tiré du verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a parlé de la prescription du jeûne, de cette législation de siyam. Il a dit « شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن » C'est en ce mois, le mois de Ramadan, que fut révélé le Coran. Le Coran a été révélé dans le mois de Ramadan. Unzila. Unzila, ça veut dire il est descendu du haut vers le bas. Le Coran a été révélé de la part d'Allah à son noble prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et ça démontre que Allah subhanahu wa ta'ala est très haut. Allah subhanahu wa ta'ala est très haut, au-dessus de toutes ses créatures. Également, l'attribut de l'afou. Comme le Nabi alayhi salatu wa salam a enseigné à notre mère Aisha radiallahu anha de dire, si jamais elle pense que c'est la nuit de Laylat al-Qadr, la nuit de l'Qadr, de dire « Allahumma innaka afuun tuhibbul afu fa'afu anni » Ou « Allah, t'es absoluteur, t'aimes le pardon, pardonne-moi mes péchés. » Allah subhanahu wa ta'ala est l'absoluteur, le pardonneur. Et il nous a légiféré ce mois de Siyam pour nous montrer cet attribut. Entre autres, pour montrer à ses serviteurs son pardon et l'immensité de son pardon. Il leur pardonne leurs péchés et il absout leurs péchés. C'est pour ça qu'il est recommandé de multiplier les invocations pendant le mois de Ramadan et d'invoquer Allah plus et de multiplier toutes les adorations, notamment la demande de pardon. Comme le Nabi a enseigné à notre mère Aïcha radiallahu anha, surtout dans les nuits où elle pense que ça peut être la nuit de l'Qadr. Également l'attribut de l'Mahabba, l'amour. Allah aime et Allah est aimé. Allah aime et Allah subhanahu wa ta'ala est aimé. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il aime ce qu'il veut de ses créatures. Il déteste ce qu'il veut de ses créatures. Il aime des personnes, des hommes, des femmes. Il aime les pieux, les vertueux. Il aime des actes aussi. Et des paroles aimées par Allah, comme la parole « La ilaha illallah ». Des actes comme la prescription du jeûne. Comme le jeûne de Ramadan, Allah l'aime. Comme ça a été rapporté dans le hadith al-Qudsi, Allah subhanahu wa ta'ala dit « Et jamais mon serviteur ne s'est approché de moi avec quelque chose que j'aime plus que ce que je lui ai rendu obligatoire. » Et Allah aime, parmi les formes du jeûne, le jeûne de Daoud alayhi salam. Comme ça a été rapporté dans un hadith, dans l'authentique de l'imam al-Bukhari, Al-Nabi alayhi salam a dit « أحب الصيام إلى الله صيام داود كان يصوم يوما ويفطر يوما » Le jeûne le plus aimé d'Allah, par Allah subhanahu wa ta'ala, le jeûne surrogatoire, le plus aimé par Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le jeûne de Daoud alayhi salam. Il jeûnait un jour et il rompait un jour. Et c'était tout le temps comme ça pour lui. Donc, le jeûne le plus aimé par Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le jeûne obligatoire. Après le jeûne obligatoire, c'est le jeûne surrogatoire. Et le meilleur du jeûne surrogatoire et la forme la plus élevée du jeûne surrogatoire, c'est la forme du jeûne de Dawoud alayhi salam. Donc, Allah aime le serviteur qui jeûne. Et Allah aime. Et Allah aime le jeûne du mois de Ramadan également. Et c'est une cause pour être aimé par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, l'affirmation de cet attribut, comme il convient à la grandeur et la majesté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah aime réellement et Allah est aimé réellement. Également, dans ce jeûne, nous trouvons l'affirmation de l'intercession le jour du jugement dernier. Et parmi, yani l'intercession, comme vous savez, est de plusieurs catégories. Il y a des intercessions qui sont spécifiques à notre prophète, alayhi salatu wassalam. Et il y a des intercessions qui sont pour lui et pour d'autres. Et pour d'autres, pour les anges, pour les croyants, et ainsi de suite. Et parmi les intercessions qui ont été rapportées par rapport au jeûne, c'est que le jeûne intercédera pour celui qui jeûne. Il intercédera en sa faveur auprès d'Allah, afin qu'il soit sauvé du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme ça a été rapporté dans le hadith, As-siyamu wal-qur'anu yashfa'ani lil-abdi yawm al-qiyamah. Le jeûne et al-qur'an intercéderont en faveur du serviteur le jour du jugement dernier. Donc ça, c'est uniquement par rapport à la croyance vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala et certains points qui sont en lien. Si on passe à la foi aux anges, qui est un pilier parmi les 6 piliers de la foi, également dans les textes de Siyam, nous trouvons plusieurs arguments sur cela. Premièrement, les anges descendent pendant les nuits de Ramadan, en particulier pendant la nuit du destin, Laylat al-Qadr. Ils descendent dans cette nuit-là. Et même le meilleur d'entre eux descend dans cette nuit, qui est Jibril, alayhi salam, l'ange le plus proche et le plus aimé par Allah subhanahu wa ta'ala, l'ange qui est chargé de la révélation. Donc les anges dans cette nuit en particulier descendent en un grand nombre. Et Jibril alayhi salam également descend dans cette nuit, comme Allah azza wa jalla dit dans surat al-Qadr, تنزل surat al-Qadr, enfin surat al-Qadr, تنزل الملائكة والروح فيها. Dans cette nuit descend les anges et l'esprit qui est Jibril alayhi salam. Et la foi aux anges est un pilier parmi les 6 piliers de la foi. On doit croire en leur existence et que ce sont des créatures qu'Allah a créées à partir de lumière. Des créatures qui obéissent à Allah sans jamais lui désobéir. Et on doit croire en particulier en Jibril alayhi salam parmi ses anges, qui a été chargé de la mission de descendre avec le Coran sur le cœur du prophète alayhi salatu wassalam. Également la foi au livre d'Allah. Et que les livres d'Allah, comme on a vu, tous, y compris le Coran, tous ont été révélés. Et tous, ils comportent la parole d'Allah. Donc, les livres d'Allah ne sont pas créés. Et le Coran est incréé. Le Coran, c'est la parole d'Allah. Sa parole avec laquelle il a parlé réellement. Donc, c'est un attribut d'Allah. et non pas une créature d'Allah, comme le croit Al-Sunnah wal-Jama'a. Et ce mois de Ramadan est le mois dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a révélé le Coran. Le mois dans lequel il a révélé le Coran pour nous montrer, parmi les nombreuses sagesses, nous montrer le mérite du jeûne. Le mérite du jeûne. Et que Allah subhanahu wa ta'ala a spécifié le mois du jeûne par la révélation de sa parole. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. Le mois de Ramadan dans lequel fut révélé Al-Qur'an, également la foi au messager, qui est un des six piliers de la foi. Car avoir la foi aux livres d'Allah qui ont été révélés à ses messagers, ses prophètes, implique d'avoir la foi en tous ces messagers et ces prophètes, alayhi salatu wa salam. Donc Allah a révélé le Coran, il l'a révélé à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Également, le cinquième pilier de la foi, qui est la foi au jour dernier. Le jour dernier, c'est tout ce qui suit la mort. C'est pour ça, celui qui meurt, son jour dernier est arrivé. Celui qui meurt, son jour dernier est arrivé. C'est pour ça la définition du jour dernier, comme a dit Cheikh l'Islam dans l'Ouassatiyya, c'est tout ce qui suit la mort de l'un d'entre nous. Et la foi au jour dernier est un pilier de la foi. Et la législation du jeûne confirme cette foi au jour dernier. Comme dans le hadith qu'on a vu précédemment, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit « لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ فَرْحَةٌ عِنْدَ فِطْرِهِ وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ » Donc le croyant a deux joies, quand le jeûneur a deux joies. Une joie au moment de la rupture de son jeûne, comme Allah l'a aidé, il lui a facilité le jeûne, il lui a permis de terminer cette journée de jeûne, sans tomber dans des choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdit. Il a cette joie. Il a cette réjouissance. Et aussi, une joie quand il rencontrera son Seigneur, c'est-à-dire le jour dernier. Également, à travers la prescription du jeûne, nous trouvons la notion de Al-Qada ou Al-Qadar. Al-Qada ou Al-Qadar qui est la foi au Qada et Qadar d'Allah subhanahu wa ta'ala, le décret d'Allah et la foi en sa prédestinée ou son destin. Ça, c'est le sixième pilier de la foi et le dernier. Aussi, cette notion, nous la trouvons dans la prescription du jeûne. Donc, le croyant qui accepte cette législation d'Allah, cette prescription. Il se soumet, il jeûne, et il patiente sur les difficultés et les contraintes qu'il peut y avoir dans le jeûne, la fatigue, la faim, la soif. Il patiente face à tout cela par obéissance à Allah et par acceptation de son décret. Et aussi parce que c'est dans ce mois que se trouve la nuit du destin. La nuit du destin. C'est-à-dire la nuit dans laquelle Allah subhanahu wa ta'ala révèle aux anges, il leur révèle tout ce qui va arriver dans l'année à venir. Il leur révèle tout ce qui va arriver dans l'année à venir, dans cette nuit. Tous les ordres arrêtés d'Allah subhanahu wa ta'ala sont révélés dans cette nuit-là. Tout ce qui va arriver dans l'année. C'est pour ça qu'on l'appelle Laylatul Qadr. Ça, c'est parmi les deux significations de cette Layla. La nuit dans laquelle Allah révèle tout ce qu'il a décrété, tout ce qu'il a prédestiné pour l'année à venir. Ou la nuit de l'estime, pour sa valeur et son estime auprès d'Allah. et la foi au destin, c'est la foi en ces quatre degrés. On peut la résumer en disant Allah, d'avoir la foi que Allah subhanahu wa ta'ala a toujours tout su. Il est l'omniscient par excellence subhanahu wa ta'ala. Il a ordonné d'écrire ce qui va se passer jusqu'à la fin des temps, 50 000 ans avant la création des cieux et des terres. Et quand il a voulu que la chose arrive, il l'a créée. Donc la science, l'écriture, la volonté et la création. Chaque chose passe par ces quatre étapes. La foi au destin d'Allah comporte la foi en ces quatre degrés. Également, à travers la législation de Siyam, nous trouvons la foi au paradis et en son existence, la foi en enfer, la foi à l'enfer et en son existence également. Et quelles sont ces deux créatures d'Allah, le paradis et l'enfer, sont créés déjà. C'est pour ça qu'il a été rapporté du prophète alayhi salatu wassalam, إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار. Quand Ramadan arrive, les portes du paradis s'ouvrent et les portes de l'enfer se ferment. Cela veut dire que le paradis existe déjà et que l'enfer existe déjà et qu'ils sont déjà créés par Allah subhanahu wa ta'ala. Et aussi le prophète alayhi salatu wassalam a vu le paradis et a vu l'enfer dans la nuit de l'ascension, c'est qu'ils sont déjà créés. Et c'est ça la croyance de Al-Sunnah al-Jama'a par rapport à ce point, contrairement aux égarés qui n'affirment pas ce point-là de l'aqida. Également, dans cette prescription, la prescription de Siyam, nous trouvons que la foi, c'est des paroles et des actes et des croyances. Augmente avec l'obéissance à Allah et diminue avec la désobéissance. Et la foi, c'est pas uniquement dans le cœur. Et les actes ne sont pas des choses indépendantes de la foi. La foi, c'est des paroles et des actes et des croyances. La foi augmente. Plus tu obéis à Allah subhanahu wa ta'ala, plus ça augmente. Et plus tu lui désobéis, ou autrement dit, plus t'obéis à Shaytan, car toute désobéissance à Allah est une obéissance au Shaytan, plus la foi diminue. C'est pour ça, Allah subhanahu wa ta'ala nous a légiféré ce mois de Ramadan, notamment la nuit du Qadr, la nuit du destin, dans laquelle l'adoration est meilleure que l'adoration dans 1000 mois. L'adoration dans cette nuit, seule, est meilleure que la même adoration pratiquée dans 1000 mois. Et ça démontre que les actes ne sont pas d'un même degré dans la religion de l'islam. Et aussi, la foi n'est pas d'un même degré chez les croyants. Pas tous les croyants ont le même degré de foi, comme le disent le Khawarij et comme le disent le Murji'a. Al-Sunnah wal-Jama'a croit que la foi augmente avec l'adoration et diminue avec les péchés et la désobéissance. Et ces actes d'adoration, ces œuvres pieuses, ce sont une cause du pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et parmi les meilleures de ces adorations, le jeûne, avec lequel Allah subhanahu wa ta'ala pardonne les péchés et absout les péchés, comme a été rapporté dans le hadith, « Man sama ramadana imanan wa ihtisaba » غفر له ما تقدم من ذنبه. Celui qui jeûne Ramadan tout en ayant la foi. Il y a des savants qui disent la foi, c'est la foi authentique, la foi en sa prescription, et il a jeûné en attente de la récompense d'Allah, en espérant la récompense d'Allah. Allah lui pardonne tous ses péchés passés. Tous ces péchés passés. Je vais citer encore un point pour son importance. Également, dans cette prescription de siyam, nous trouvons un des plus grands objectifs de la législation de l'islam, qui est de se distinguer des mécréants d'une manière générale et des gens du livre, que ce soit des gens du livre ou autres, de se distinguer des koufars. Le croyant doit se distinguer d'eux dans sa foi, dans ses actes, dans ses paroles, dans son intérieur, dans son apparence. Ça, c'est un objectif parmi les objectifs de la législation de l'islam. Et ça, tu le trouves d'une manière claire dans la prescription du jeûne. Quand bien même le jeûne, cette adoration, c'est pas une législation qu'Allah a légiférée pour la première fois dans notre communauté. C'est une législation qui a été légiférée pour les gens d'avant nous, pour les gens du livre. La forme n'était pas la même, mais le jeûne existait dans la religion de Moussa alayhi salam, dans la religion de Isa alayhi salam. Ça a été légiféré avant nous. Mais malgré cela, afin de nous distinguer des gens du livre, il nous a été légiféré en plus des choses qui nous permettent de nous distinguer d'eux. Nabi alayhi salam a dit, فَصْلُ مَا بَيْنَ صِيَامِنَا وَصِيَامِ أَهْلِ الْكِتَابِ أَكْلَةُ السَّحَرِ. Une distinction entre le jeûne, notre jeûne, le jeûne du musulman, et le jeûne des gens du livre, c'est le repas de Sahar. Sahar, c'est la dernière partie de la nuit, juste avant la levée du l'aube. Juste avant l'aube, ce repas qu'on appelle As-Sahur. Et As-Sahur, c'est l'acte de le manger. Donc, il nous a été ordonné de nous distinguer des gens du livre et de ne pas leur ressembler. C'est pour ça, ça a été légiféré pour nous, ce repas qu'on consomme juste avant le début du jeûne. Et plus tu le retardes, mieux c'est. C'est une sunna de le retarder au maximum. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a incité sa communauté à prendre ce repas et à ne pas le négliger. Il a montré que c'est un repas dans lequel il y a le baraka. Et il a dit, لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة وأخروا السحور. Les gens ne cesseront d'être dans le bien tant qu'ils se hâtent à rompre le jeûne. C'est-à-dire, dès que le soleil se couche, tu rompes le jeûne. Si tu vois pas le soleil, dès que le mu'adhdhin commence l'adhan, il dit Allahu Akbar, tu manges. T'attends pas qu'il termine. Car le mu'adhdhin, la sunna pour lui, c'est de rompre son jeûne rapidement avant de commencer l'adhan. Quand il voit que c'est le temps, il rompt son jeûne rapidement avec une date et il fait l'adhan. Donc dès qu'il commence, tu rompes le jeûne et tu retardes as-suhur également afin de te distinguer des gens du livre. Ou bien ils n'avaient pas ce repas, ou ils l'avaient mais ils le mangeaient dans la moitié de la nuit. Ils ne le retardaient pas. Et la même chose pour le futur. Le futur, ils attendaient l'apparition des étoiles dans le ciel pour rompre le jeûne. Ils ne rompaient pas avec le coucher du soleil. Et parmi les innovateurs qui font ça aujourd'hui encore, les Ar-Rawafid. Ar-Rawafid, ils font la même chose. Bien évidemment, c'est pas le seul point dans lequel ils vont à l'encontre des textes. Ils vont à l'encontre des textes dans l'aqida, la chose la plus importante. Et dans Tawhid. Et Ahl-Sunnah wa Jama'a, ils sont dans un juste milieu, entre deux extrêmes. Ils sont dans une guidée entre deux égarements. De la même manière que l'islam est un juste milieu entre tous les mécréants. Également, le jeûne, il permet de démontrer ce juste milieu chez les gens de Al-Sunnah wal-Jama'a. Ni laxisme, ni exagération. C'est pour ça qu'il nous a été légiféré de jeûner une partie de la journée. Et non pas une partie du jour. Et non pas le jour et la nuit. Et il nous a été légiféré de jeûner un mois. Et non pas toute l'année. C'est pour ça qu'il a été rapporté du prophète, l'interdiction de jeûner tout le temps. Et le jeûne, pendant cette période bénie, Allah y met la bénédiction al-baraka dans ce qu'il veut de ses créatures, dans des temps comme le mois de Ramadan. C'est un mois béni, comme la nuit d'Al Qadr également, c'est une nuit bénie. Dans des actes comme le jeûne, c'est un acte béni dans lequel il y a le baraka. Également dans le repas de Sahur, c'est un repas béni. Voilà ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a permis pour cette soirée. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والله تعالى أعلى وأعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.